L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'autre façon de détecter la présence de matière noire sous forme de WIMPs, les Weakly Interacting Massive Particles, concurrente et complémentaire de la méthode directe par des détecteurs souterrains ou le LHC, c'est de chercher les signes d'annihilation de ces particules qui prennent la forme de rayons gamma en provenance de notre galaxie ou des autres galaxies. Le télescope spatial Fermilat est justement spécialisé dans la détection de rayons gamma très énergétiques et permet ce type de recherche. La collaboration qu'il exploite vient tout juste de publier ses tout nouveaux résultats. Ces nouveaux résultats d'observation publiés sur le site de Preprint Archive, dans un article très technique de 43 pages, est destiné à être soumis au Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, concernent la recherche de rayons gamma ayant une énergie particulière au sein de ce qu'on appelle le fond gamma isotrope, Isotropic Gamma Ray Background, avec l'acronyme IGRB. Ce fond gamma diffus provient non pas de notre galaxie, mais du milieu intergalactique des autres galaxies. C'est le rayonnement gamma qui reste une fois que l'on a soustrait les rayons gamma des sources individuelles bien identifiées. Il a été découvert en 1978 grâce au satellite SAS-2, puis confirmé 20 ans plus tard par le satellite Aigrette. Les données consistent en l'accumulation de 50 mois de données d'observation du télescope Fermilat, Large Area Telescope, de photons gamma à partir de 20 MeV et montant jusqu'à une énergie de 820 GeV. La collaboration du même nom, Fermilat, a ainsi pu montrer l'absence de signes d'un signal provenant d'annihilation de WIMPs dans ce fond gamma isotrope. L'annihilation des WIMPs est étudiée ici non pas par la production directe des photons gamma dans l'annihilation des neutralinos entre eux, qui seraient leurs propres antiparticules, mais via la production, au cours de cette annihilation, de couples de particules-antiparticules qui vont ensuite produire des rayons gamma. On est là vraiment dans la détection indirecte. Les canaux d'annihilation, comme les appellent les physiciens des particules, sont ici les canaux B, anti-B et tau plus, tau moins. Mais bien sûr, ce résultat négatif est très intéressant, car il permet de fixer des contraintes supplémentaires sur les caractéristiques de ces hypothétiques WIMPs, notamment dans ce signal particulier du fond gamma provenant de toutes les directions du ciel. Comme le signal potentiellement attendu et non vu dépend à la fois du comportement cosmologique de la matière noire, c'est-à-dire comment elle se regroupe, et des caractéristiques propres de la particule WIMP, l'information, aussi bien positive que négative, est très riche. Elle est ici négative et permet donc de fixer des limites fortes dans les modèles de matière noire. Les limites que les physiciens des astroparticules parviennent ainsi à fixer s'applique pour des masses de WIMPs s'étendant de quelques GeV jusqu'à plusieurs dizaines de TeV et sont les meilleures limites obtenues à ce jour pour ces niveaux d'énergie de l'ordre du TeV. De plus, l'équipe internationale a pu quantifier en détail les incertitudes associées à ce type de signal, ce qui est une avancée majeure. À une masse de WIMP de 10 GeV, la limite de la section efficace d'annihilation trouvée, grâce à ces nouvelles observations, atteint celle qui correspond au modèle de WIMP si elle est une relique thermique, ce qui est le modèle le plus couramment admis. Pour finir leur article, les physiciens de Fermilat mettent en garde sur l'extrême complexité de ces mesures et des conclusions que l'on en tire. Ils listent l'étendue des incertitudes en jeu, qui sont classées en trois familles. Premièrement, la prédiction théorique de l'intensité du signal d'annihilation attendu, qui dépend à la fois du modèle d'accumulation de matière noire, avec un facteur 20 d'incertitude, et aussi du nombre de sous-structures existantes dans les galaxies, avec un facteur 3 sur l'incertitude. Deuxièmement, la modélisation de la contribution des sources gamma extragalactiques non résolues dans le signal d'IGRB, qui peut atteindre un écart d'un facteur 3 à 26 selon la masse de WIMP considérée. Et enfin, troisièmement, la modélisation de l'émission diffuse galactique qui peut induire des variations d'un facteur 3, là encore sur les limites dérivées. Alors Fermilat ne voit donc pas de traces de WIMPs dans le fond gamma isotrope et permet de déterminer de nouvelles limites contraignantes à partir de ces mesures. Mais les incertitudes sont multiples et importantes, ce qui fait dire aux physiciens de la collaboration Fermilat que cette source de rayonnement gamma, l'IGRB, le fond gamma isotrope, ne devrait pas être utilisée seule pour chercher un signal de WIMPs. En complément, d'autres types de mesures, et pour contraindre les modèles, elles s'avèrent en revanche fort utiles. Mais il faudra attendre de beaucoup mieux connaître certaines caractéristiques de notre galaxie et des sources gamma classiques pour réduire drastiquement les incertitudes et pouvoir utiliser l'IGRB dans une recherche d'événements gamma en excès, signant sans coup férir la présence d'annihilation de WIMPs. L'article est paru en préprint sur le site de Archive et est soumis au Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Il s'intitule « Limits on Dark Matter Annihilation Signals from the Fermilat Fourier Measurement of the Isotropic Gamma Ray Background » signé par plus d'une centaine de chercheurs de la collaboration Fermilat. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. www.sapasselahaut.fr. Bon ciel à toutes et à tous.